Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 14 février, nous souhaitons une bonne fête au Valentin. Les dictons nous disent à la Saint-Valentin, tous les vents sont marins, ou encore vigneron à la Saint-Valentin doit avoir serpette en main. Dans les célébrations internationales en Occident, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. À moins d'être sur masse, vous n'avez pas pu passer à côté. Hein. On entend parler de cette fête des amoureux depuis quelques jours maintenant, voire quelques semaines. Et c'est également la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Dans les événements qui se sont déroulés un 14 février 1879, la Marseillaise redevenait l'hymne national de la France. Et en 1972, la production Grease débutait à Broadway, où elle a tenu l'affiche pendant la décennie suivante. Et elle donnera naissance 6 ans plus tard à la version cinématographique hein, qui sera un succès mondial qu'on connaît. Allez, tout de suite, on va marquer une première pause musicale et ça va être des musiques consacrées à la fête des amoureux aujourd'hui. Et on va notamment écouter Quentin Mosiman avec son titre Il y a Je t'aime et je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Certains disent tout leur amour, leur envie que ça dure toujours. C'est un cri comme on embrasse, un défi au temps qui passe. D'autres sont jetés au vent, n'importe où, n'importe comment. Ils ne comptent que le silence et retombent dans tous les sens. Il y a je t'aime et je t'aime. Je t'aime trop, je t'aime bien. Il y a je t'aime et je t'aime. D'autres n'osent pas dire qu'ils cachent tant de choses qui se détachent. Ils demandent, et toi tu m'aimes. Quentin Mossimane avec Il y a je t'aime sur RGM. Tout en rime, il est presque 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés donc le 14 février 1942, naissance de Roland Giraud, acteur français vu dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Les Bronzés font du ski dans le rôle de Monsieur Camus, le mari de la Bordelaise, Papy fait de la résistance, Trois hommes et un couffin dans le rôle de Pierre ainsi que dans la suite, hein, 18 ans après, au plus récemment vu dans De l'autre côté du lit. C'est également l'année de naissance d'Andrew Robinson, acteur américain, connu pour son rôle de Charles Davis alias Scorpion dans l'inspecteur Harry et son rôle de Garak dans la série Star Trek Deep Space Nine. 1944, naissance d'Alan Parker, réalisateur britannique à qui l'on doit Midnight Express, Fame ou encore Evita. 1963, naissance d'Enrico Colantoni, acteur canadien, vu au cinéma dans Contagion, la série télé Véronica Mars dans le rôle de Kiss Mars ainsi que dans le film, vu également dans Flashpoint dans le rôle de Gregory Parker ou encore Person of Interest dans le rôle de Carl Elias alias Charlie Burton. 1964, naissance de Zach Galligan, acteur américain connu pour son rôle de William Pelzer dans les Gremlins 1 et 2. 1970, naissance de Mark Lutz, acteur canadien connu pour son rôle de Gros Salug dans la série télé Angel. C'est également l'année de naissance de Simon Pegg, comédien britannique connu pour son rôle de Benji Dune dans Mission Impossible 3, Mission Impossible Protocole Fantôme, Mission Impossible Rogue Nation et Mission Impossible Fallout, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans Mission Impossible 7 dont la sortie est prévue pour 2021 et Mission Impossible 8 dont la sortie est prévue pour 2022. Connu également pour son rôle de Montgomery Scott alias Scotty dans les films Star Trek, Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite, vu également dans Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne dans le rôle de Dupont ou encore Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force dans le rôle d'Unkar Plut. 1977, naissance de Cadel Evans, cycliste sur route et VTT australien qui a remporté la Coupe du Monde de VTT en 98 et 99. Champion du monde sur route en 2009, il a remporté le Tour de France en 2011 et 3 étapes de Grand Tour, 2 sur le Tour de France et 1 sur le Tour d'Italie. 1978, naissance d'Angèle Riccio, animatrice télé française. 1983, naissance de Bakary Sagna, ancien footballeur français ayant fait carrière de 2004 à 2019 en jouant à Auxerre, Arsenal, Manchester City, Benevento Calcio et à l'Impact de Montréal. 1987, naissance d'Edison Cavani, footballeur uruguayen professionnel depuis 2005, ayant joué pour le club de Danubio FC à Palerme, Naples et depuis 2013 il joue au Paris Saint-Germain. 1988, naissance de Blandine Dansette, handballeuse française qui joue depuis 2017 à Nantes avec la sélection nationale. Elle est médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Au championnat du monde, eh bien, elle a remporté la médaille d'or avec ses coéquipières en 2017 et la médaille d'argent en 2009 et 2011. C'est également l'année de naissance de Quentin Mossimane, chanteur suisse connu pour avoir remporté une édition de la Star Academy et il est devenu DJ et il a une certaine renommée, hein, il est quand même connu. 1998, naissance de Freddie Highmore, acteur britannique, connu pour son rôle de Charlie Bucket dans le film Charlie et la chocolaterie, son rôle d'Arthur Montgomery dans la trilogie Arthur et les Minimoys, et à la télévision, il incarne le docteur Sean Murphy dans la série télé Good Doctor, où il est également producteur et scénariste d'un épisode. 1995, naissance de Charlotte Bonnet, nageuse française, spécialiste de nage libre, qui aux Jeux Olympiques ont une médaille de bronze, au championnat du monde grand bassin, 2 médailles de bronze, en petit bassin, 1 médaille de bronze, championnat d'Europe grand bassin, 3 médailles d'or et 3 de bronze, petit bassin, 2 d'or, 2 d'argent et 3 de bronze, championnat de France grand bassin, 18 médailles d'or, 9 d'argent et 2 de bronze, et en petit bassin, 30 médailles d'or, 15 d'argent et 9 de bronze. Voilà pour les anniversaires. Allez, je vais reprendre mon souffle, on se fait une petite pause avec Vita et Slimane. Et le titre Avant toi. Il y Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Le chemin. Y'avait pas de maison, y'avait pas le bonheur, j'avais pas de raison, mon âme sœur. Y'avait pas de rire, mais y'avait pas de pleurs, j'étais seule ici, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais, l'amour de toutes les façons. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Vita et Slimane, avant toi sur le 107 FM. Allez, on va faire un point maintenant sur les événements en région. Plusieurs choses à vous dire. On commence tout de suite avec Chris qui nous parle du don du sang de ce mois de février. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo, 107 FM. C'est Chris et aujourd'hui, comme tous les mois, je vais vous communiquer le programme des Journées du Sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de février 2020 dans notre département. Mais avant de vous communiquer les différentes dates, nous allons voir ensemble la lettre du docteur Morel, responsable prélèvement à Nancy. Donc, il faut savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante de besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour répondre à cette exigence, je vais vous communiquer tout de suite les différentes dates de collecte du sang pour le mois de février dans notre département. Le lundi 17 février à Bussan, à la salle des fêtes, située à l'adresse 2 place de la mairie, de 16h à 19h30. Le vendredi 21 février à Saint-Étienne-lès-Remiremont, à la salle polyvalente, située à l'adresse 31 route de Xénois, de 16h à 19h30. Le mardi 25 février à Le Toli, à la salle polyvalente, située à l'adresse 2 route du Petit Paradis, de 16h à 19h30. Le jeudi 27 février, à Archette, à la Maison pour tous, située à l'adresse 82 rue du Haut du Mont, de 16h à 19h30. Le vendredi 28 février, à Le Val d'Ajol, à l'espace Dorothée, situé à l'adresse 71 Grande Rue, de 15h30 à 19h30. Je le répète une dernière fois, mais il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Allez, tout de suite, on enchaîne avec l'exposition de peinture de la médiathèque du Tillot, qui est toujours visible au premier étage de la médiathèque jusqu'au 22 février. Le théâtre au coin du feu 2020 part en tournée et ce samedi 15 février à 11h, eh bien, vous pourrez les retrouver au marché de Thiéfos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh bien, le musée du textile de Ventron qui propose 4 animations pour les vacances de février. Tissage en famille et une animation geste d'autrefois. Tissage en famille, c'est une visite commentée, adaptée aux enfants, qui dure 45 minutes, permettant de découvrir les énergies hydrauliques et vapeurs, la création d'un fil à partir du coton, la fabrication d'un tissu de coton. La visite se clôture par un atelier tissage sur de petits métier à tisser. Les enfants reçoivent un diplôme en fin de tissage. Il n'y a pas besoin de réserver. En ce qui concerne les gestes d'autrefois, le musée vous propose une animation intitulée « Gestes d'autrefois dans le textile », l'occasion de découvrir ou redécouvrir le travail du forgeron, les énergies utilisées, hydrauliques, machines à vapeur, électricité, la filature ou comment faire du fil à partir de la fleur de coton. Le tissage sur différents métiers, du tout premier en bois utilisé dans les fermes de notre région, au métier jacquard à carton perforé. Les bénévoles et employés du musée seront heureux de vous accueillir pour vous accompagner dans cette découverte de l'industrie textile dans les Vosges. Comptez environ 1h30 de visite, à noter que la dernière visite a lieu à 17h. Et maintenant, on laisse la parole à Radio Cristal. Collectif Réseau d'être vous convie à plusieurs rendez-vous sur le secteur spinalien. Nous sommes en compagnie de Louise Feuté, la coprésidente de ce collectif. Première question peut-être tout à fait basique, mais en quoi consiste ce réseau et pour qui est-il destiné ? Alors c'est un collectif qui rassemble des associations et des citoyens, une cinquantaine d'associations de toutes les Vosges, plutôt axées sur des thématiques éducation populaire ou culture, avec plusieurs objectifs. Déjà se connaître, se rassembler autour d'un objet commun qui est la défense de l'éducation populaire et de la culture, pouvoir échanger sur des constats, des idées, pouvoir mutualiser des projets. Donc on est vraiment dans un objectif de débat, d'échange, mais aussi de porter une parole collective, parce que voilà, dans le contexte politique actuel, c'est important de dire et redire à quel point les droits culturels, l'éducation populaire sont importants dans notre société et qu'on n'est pas d'accord. C'est des politiques qui mettent à mal l'existence des associations et l'existence des projets qui permettent pour nous l'épanouissement de tous. La démocratie va comme elle va, mais on se rend bien compte qu'il y a besoin de réinventer des espaces où on peut vraiment s'exprimer, où on peut travailler ensemble, ou être vraiment dans de la collaboration. Voilà. Sur la base de combien de rendez-vous ce collectif fonctionne ? On peut parler de rendez-vous mensuels, rendez-vous trimestriels ? Comment est-ce que ça se dessine ? Alors, le collectif se réunit peut-être tous les 2 mois, je pense. Voilà. Après, il y a donc les temps de réunion du collectif, et puis après, il y a des temps plus publics. Voilà. Des temps d'échange à travers l'ensemble du département. Alors là, voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler des 10-12, donc les 10-12 de 10h à 12h, 4 samedis matins de février, 4 rendez-vous précis où du coup l'idée c'est vraiment d'ouvrir le débat et de prendre 2 heures, voilà, pour un échange citoyen autour de l'éducation populaire et de la culture aujourd'hui. Et d'être très concret, du coup on a voulu aussi s'approcher de différents territoires, donc il y a un rendez-vous à Épinal, un rendez-vous à Neufchâteau, un rendez-vous à Saint-Dié et un rendez-vous à Remiremont pour pouvoir balayer tout le département et éventuellement des problématiques qui seraient différentes aussi en fonction des territoires. La thématique est générale, donc le débat il va se passer en 3 temps et ce sera pareil sur les 4 lieux. Il y a un premier temps pour faire un diagnostic, c'est-à-dire des constats sur le territoire. Un deuxième temps pour se donner le temps de rêver des solutions. Et un troisième temps qui va nous permettre plus d'être dans le concret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un an, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer tous ensemble. On invite évidemment toutes les associations, évidemment les citoyens, les habitants que ces thématiques-là intéressent. Et puis, il y a également des invitations qui ont été lancées à tous les élus du territoire, parce que c'est un sujet qui les concerne et qu'ils ont aussi la main sur certaines choses. Donc, c'est important qu'ils viennent entendre et débattre avec nous. Alors, on va indiquer les aspects pratiques de ces différents rendez-vous, également les dates à laquelle les gens peuvent être conviés s'ils le souhaitent. Alors, c'est évidemment c'est un débat, c'est complètement gratuit de venir participer. Le samedi 15 février, on sera à Remiremont au théâtre de la Miroiterie à 10h jusqu'à 12h, puisque ça s'appelle les 10-12, donc c'est toujours les mêmes horaires. Et pour retrouver toutes les informations pratiques concernant le réseau d'être, vous pouvez les trouver sur internet à l'adresse réseaudêtre.com. Voilà, allez, on va faire une petite pause musicale avec M. Pokora et son titre « Tombé ». Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou. Peur et confiance en moi, je prendrai ta douleur, tu verras ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine, tu as gagné. Je ne suis qu'un fou, un fou. Myriam Pokora sur le 107 FM. Un peu plus de 8h55, on fait un point météo. La météo. Ce matin, ça va être pas mal nuageux avec quelques averses. Les éclaircies se feront pour cet après-midi. Des températures comprises entre 4 et 6 degrés ce matin, entre 8 et 9 degrés pour cet après-midi. On devrait avoir un beau week-end avec samedi une très belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévues pour samedi après-midi. Dimanche, du soleil avec un petit peu de nuages. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 13 et 15 degrés. Et oui, vous m'avez bien entendu prévu pour dimanche après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Football, Coupe de France, et c'est la fin du très beau parcours pour Épinal qui s'est incliné hier au stade Marcel Picot sur le score de 2-1 face à Saint-Étienne. Les Spinaliens peuvent être très fiers de leur parcours. Les demi-finales, on connaît les affiches, ce sera Lyon, Paris Saint-Germain et Saint-Étienne, Rennes. Au programme de la Ligue 1 ce soir, Monaco reçoit Montpellier, samedi Amiens, PSG, Bordeaux, Dijon, Nantes, Metz, Nîmes, Angers, Toulouse, Nice, dimanche Lyon, Strasbourg, Brest, Saint-Étienne, Reims, Rennes et on terminera avec Lille face à Marseille. En Ligue 2, samedi, Nancy recevra Guingamp. En National 2, dimanche, Épinal se déplacera à Mulhouse. Et en National 3, samedi, Raon-l'Étape se déplacera à Metz et Thaon-les-Vosges se déplacera à Ilkirch. Un mot de biathlon avec les championnats du monde. Hier, c'était la première épreuve, le relais mixte qui n'a pas réussi à nos Français qui termine 7e avec un tour de pénalité et 9 pioche. Ça a été très compliqué pour les Françaises et malheureusement les Français n'ont pas pu faire grand chose. Ils ont pu remonter quelques places mais pas mieux que la 7e place. Le relais a été remporté par la Norvège juste devant l'Italie et 3e la République tchèque. Aujourd'hui c'est le sprint féminin. Elles seront 102 à prendre le départ. La première ce sera Monica Onis. Ensuite on suivra les dossards 11 de Thierry Lecoff, le 15 de Dorothée Avireur, le 16 de Roiseland, le 20 de Lisa Vitozzi, le 55 d'Anna Heuberg ou encore le 60 de Kaisa Makarainen. Et pour les Françaises, il faudra être attentif au dossard 37 de Julia Simon, le dossard 48 de Justine Brezaz, le 58 d'Anaïs Bescon et le 82 de Célia Emonier. Un mot de cyclisme avec le Tour de Provence, c'était la première étape hier avec la victoire de Nasser Bouhanni qui signe ainsi la deuxième victoire de la saison et il empoche ainsi le maillot de leader. Un mot de tennis avec à Rotterdam hier la qualification de Monfils en 2-7 face à Gilles Simon. Monfils affrontera aujourd'hui Evans. À New York aujourd'hui, Humbert affrontera Kekmanovic et à Saint-Pétersbourg hier, Alizé Cornet s'est inclinée en 2-7 face à Sakkari. Aujourd'hui, Dodin affrontera Rybakina. Un mot de basket avec la Nationale 1. Ce soir, le Jet Vosges se déplace à Andrézieux. À noter qu'en NBA ce week-end, c'est le All-Star Game avec notamment Rudy Gobert. Et en hockey sur glace, en D2, c'est le début des playoffs, 8e de finale. Ce samedi, Épinal se déplace à Vaujany, c'est donc le match numéro 1. Le match numéro 2 aura lieu le week-end prochain à Épinal et match 3 si besoin dimanche. Donc ce sera les 22 et 23 février. Allez, le HC. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale, spéciale Saint-Valentin, et on termine avec Umberto Tozzi et le titre Ti amo. Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti a dal tuo seno. Ti odio e ti amo. È una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa. Prendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei. Primo maggio, su coraggio io. Umberto Tozzi sur RGM, il est 8h03, c'est l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 14h, ce sera J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. 21h, vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Ciao, bye bye.